Chapitre 34. La cérémonie. Une flottille de luxueux aérostats, de taxis volants et de gondoles zéphyriennes avait pris d'assaut le mémorial de Babel. Il s'y était amarré comme d'immenses ballons forains, émaillant le ciel d'une constellation de couleurs. Des tramoiseaux supplémentaires avaient été mis en service, mais l'arche mineure était trop petite pour les accueillir tous. Ils devaient chacun respecter leur temps de passage sur le quai afin de ne pas provoquer d'accident. Ophélie débarqua de l'un d'entre eux avec les membres de sa division. Personne ne lui avait adressé la parole durant le trajet et pour cause. Les devins fixaient le bout de leurs bottes. Peut-être se faisaient-elles des idées, mais ils avaient tous l'air désappointés. Ils franchirent ensemble les hautes portes vitrées de l'entrée, avant-coureurs, tabellions, ingénieurs, scribes, gardiens, artistes. Les compagnies de la bonne famille étaient rassemblées au grand complet dans le vaste atrium. Leur rang était si serré que tous les uniformes semblaient cousus les uns aux autres pour ne confectionner qu'une seule et immense étoffe bleu nuit aux ornements d'argent. Apprentis et aspirants virtuoses faisaient face à l'estrade où se dressaient, gigantesques, les esprits de famille jumeaux. Hélène était aussi étrangement dérangeante, avec son rectificateur optique et sa crinoline à roulettes, que Pollux était superbe. Ce dernier distribuait des clins d'œil bienveillants au visage tourné vers lui, sans avoir manifestement la plus petite idée de qui était qui. Ophélie se sentit étourdie par la foule qui avait envahi chaque galerie, chaque transcendium, chaque salon d'envers, chaque morceau de surface où il était possible de poser une paire de babouches. Après sa parenthèse de silence dans l'isoloir, le contraste était déroutant. Où qu'elle tournât ses lunettes, ce n'était que des gens devant, derrière, à l'endroit et à l'envers. Les érudits des académies voisines formaient à eux seuls une mer de toges universitaires. Les propagations de leurs chuchotis faisaient frémir toutes les vitres de la coupole. Ophélie se demanda si l'équilibre architectural qui tenait miraculeusement le mémorial à Califourchon sur le vide n'allait pas finir par basculer sous ce trop-plein de visiteurs. Tenue de garder sa position au sein de son rang, elle chercha discrètement Thorn parmi les lords de luxe alignés derrière les esprits de famille. Elle ne le trouva pas, mais elle repéra les 10 Septima qui surveillaient l'horloge de la statue automate, comme si elle guettait la venue de quelqu'un. Il y avait sur l'estrade une tribune d'or dont les porte-voix attendaient leur orateur. Ophélie accrocha le regard d'Octavio dans la division des fils de Pollux. C'était la première fois qu'elle le voyait depuis leur convocation. Il arborait des points de suture à son sourcil et à sa narine, mais ses plaies-là étaient moins visibles que celles qu'il portait à l'intérieur. Son visage ombrageux laissait exprimer la lutte sans merci qui se menait en lui. Il ignorait les signes de soutien des membres de sa propre division qui essayaient de le flatter jusqu'à la dernière minute dans l'espoir qu'il se souviendrait d'eux le jour où il deviendrait lord. Il ne faisait aucun doute qu'Octavio accéderait aujourd'hui au grade d'aspirant virtuose, mais il paraissait ne plus en avoir tellement envie. Ophélie, elle, le voulait, ce galon. Même si ses chances étaient infinitésimales, son souhait le plus cher était de devenir aspirante et que Thorn fût là pour y assister. Elle leva les yeux vers le secrétarium qui flottait comme une planète au-dessus d'eux. Viendrait-il ? Ophélie eut soudain la sensation d'être observée. Ce n'était pas un effet du trac, mais plutôt comme si quelque chose de visqueux se collait à sa peau. Il y avait un spectateur au milieu de la foule qui était en train de porter toute son attention sur elle et sur elle seule. Quelqu'un l'épiait dans l'ombre depuis des jours, des semaines, peut-être même davantage. Elle ne le voyait jamais, mais elle avait une conscience de plus en plus aiguë de son existence. Qui ? Elle surprit un mouvement. Blasius lui adressait de grands gestes d'encouragement parmi les mémorialistes venus assister à la cérémonie. Elle lui sourit puis se mordit la lèvre quand il donna une claque accidentelle à son voisin. Avec tout ça, elle n'avait pas pu lui transmettre le message du professeur Wolfe. Les automates du mémorial figuraient au premier rang des membres du personnel. Bien que la cérémonie n'eût pas encore commencé, ils applaudissaient déjà dans une cacophonie de métal. Le vieux balayeur ne se trouvait plus parmi eux. « Ce sont les gosses pourris gâtés dans votre genre qui préfèrent donner un emploi à des machines plutôt qu'à d'honnêtes citoyens. » Le sans-peur n'était certainement pas un ange, mais Ophélie ne pouvait s'empêcher de penser qu'avec lui, s'était éteinte une voie nécessaire à Babel. Si quelqu'un ne brillait pas par son absence, en revanche, c'était bien Lazarus. Installé à un balcon privé, il souriait modestement au photographe qui le bombardait d'éclairs chimiques. Avec sa redingote de satin blanc et ses lunettes au rose pétillant, il réverbérait toutes les lumières. Ophélie espérait que, de là où il se tenait, il ne la reconnaîtrait pas. Ambroise n'était pas à son côté. Ambroise. Ophélie savait désormais avec une absolue certitude que leur trajectoire serait amenée à se recroiser bientôt. Très bientôt. Elle commençait à se demander ce que tout le monde attendait quand un bruit de moteur recouvrit les murmures. Toutes les têtes se tournèrent comme des girouettes vers l'entrée principale, à l'instant précis où, à la stupéfaction d'Ophélie, un avion s'engagea entre les hautes portes vitrées. C'était un biplan qui paraissait sorti tout droit d'un musée de l'Ancien Monde. Il décrivit une longue courbe aérienne au-dessus de l'atrium, contournant le globe du secrétarium. Il frôla de si près la foule qu'il y eut une envolée de cris et de turbans. Ophélie se cramponna à ses lunettes pour mieux voir. Deux personnes se tenaient nonchalamment assises entre les ailes du biplan. Il y eut une clameur à travers tout le mémorial quand elles tombèrent dans le vide, au moment où l'avion effectuait une voltige aérienne sous l'immense verrière de la coupole. Deux parachutes se déployèrent. Les acrobates descendirent lentement la centaine de mètres qui les séparaient du sol, au milieu d'un tonnerre d'applaudissements. Après une dernière boucle, l'avion repartit par l'entrée comme il était venu, obligeant tous les apprentis à s'aplatir dans l'atrium. Quand Ophélie se releva, complètement ébouriffée, elle songea que c'était la chose la plus dangereusement stupide dont elle avait jamais été témoin. Les deux parachutistes manœuvrèrent de façon à atterrir dans les bras l'un de l'autre, en plein sur le tapis pourpre de l'estrade. Ils s'embrassèrent fougueusement, à croire qu'ils étaient seuls au monde, puis ils débouclèrent leur casque d'aviation d'un geste si spectaculaire que les applaudissements redoublèrent dans tout le mémorial. Leur exhibitionnisme ne choqua personne. Ophélie n'était pas assez proche de l'estrade pour bien les voir, mais elle n'en fut pas moins éblouie par leurs chevelures et leur peau peinte en or. Le vieux gong résonna pour rétablir le calme. Le couple monta, main dans la main, l'escalier de la tribune. Les haut-parleurs propagèrent leur voix, comme si elles n'en formaient qu'une. « La connaissance sert la paix !»« La connaissance sert la paix !» répondirent en chœur toutes les personnes présentes dans le mémorial. Ce fut à cette seconde qu'Ophélie comprit que ces drôles d'oiseaux étaient les généalogistes en personne. Ils avaient peu à voir avec l'idée qu'elle s'était forgée d'eux. À bien y regarder, ils n'étaient pas tellement jeunes, mais leur allure possédait la même flamboyance que leur maquillage. Ils se prenaient pour des soleils, et en vérité, leur éclat avait bel et bien éclipsé la présence d'Hélène, de Pollux et de tous les lords présents sur l'estrade, comme si c'était eux les véritables esprits de famille de Babel. Lady Septima elle-même les dévorait du regard avec une vénération qu'Ophélie ne lui avait jamais vue encore. Ces gens ne voulaient pas devenir les égaux de Dieu. Ils se considéraient déjà comme tels. Thorne jouait vraiment avec le feu en s'alliant à eux. « Aujourd'hui est un grand jour pour notre cité !» proclama la voix sensuelle de la femme dans le microphone. « Nous célébrons un double avènement, un nouveau catalogue et de nouveaux virtuoses. Nous assistons à la réconciliation du passé et de l'avenir. » enchaîna l'homme avec une synchronisation si parfaite qu'on aurait cru qu'il était le prolongement naturel de sa partenaire. La modernisation des techniques de consultation s'est mise au service de notre patrimoine ancestral. L'humain et la machine, déclara-t-il tandis que la généalogiste désignait les automates d'un geste significatif, ont atteint au mémorial un niveau de coopération jamais égalé à ce jour. Nous devons étendre ce modèle à Babel tout entière. Nous avons besoin pour cela de citoyens éclairés et compétents, poursuivit aussitôt la femme en caressant cette fois du regard les rangs de toutes les compagnies de virtuoses. Nous avons besoin de citoyens de la trempe du professeur Lazarus, qui nous honore aujourd'hui de sa présence et qui a été autrefois l'un des vôtres. Nous avons besoin de citoyens comme vous, filleule d'Hélène. Conclut-elle en arrêtant ses yeux sur Élisabeth. Votre travail sur la base de données a été rien de moins que remarquable. Approchez, avant-coureuse, venez chercher votre troisième grade qui fera à jamais de vous une citoyenne virtuose de Babel. Il y avait une sorte de gourmandise dans cette invitation qu'Ophélie trouva un peu perturbante. Élisabeth monta sur l'estrade, inhabituellement écarlate. Il apparut à Ophélie que les généalogistes n'avaient fait aucune mention de Thorn dans leur discours. Il s'était pourtant trouvé au centre névralgique du projet. Était-ce pour protéger sa couverture de Sir Henry ou était-ce parce qu'il n'avait pas obtenu de lui le seul livre qui les intéressait? Ophélie leva ses lunettes vers le balcon de Lazarus alors que celui-ci ordonnait à son majordome mécanique de photographier la scène. S'il savait ce que elle savait. Merci, avant-coureuse, reprirent les généalogistes une fois qu'Hélène eut remis à Élisabeth son galon d'argent. Vous êtes la preuve que Babel est la cité idéale où les descendants des 21 esprits de famille, mais aussi leurs non-descendants, peuvent œuvrer ensemble pour le meilleur des mondes possibles. En signe de notre gratitude, veuillez également accepter ce prix d'excellence. Venez, filleule d'Hélène, rejoignez-nous. Élisabeth gravit les marches de la tribune dorée où les généalogistes, plus dorés encore, lui tendaient un trophée, doré lui aussi. Prise en tenaille par le couple, elle se cramponna des deux mains à son prix. Son long corps plat semblait vouloir se faire plus étroit encore, perdre tout son relief, échapper aux milliers de regards braqués sur lui. Ce n'était pas la première fois qu'Ophélie surprenait une fragilité derrière le masque d'indifférence d'Élisabeth. Elle se sentit mal à l'aise pour elle lorsque les généalogistes la poussèrent doucement mais fermement vers le microphone. Il nous fallait juste un système de gestion, un langage normalisé, un algorithme pour les instructions, ce genre de choses. Ce n'est jamais rien qu'un simple programme de consultation, un peu comme une mémoire, notre mémoire à tous. Le plus important, ce sont les données elles-mêmes. Je ne serais arrivée à rien sans les groupes de lecture et sans Sir Henry. Encore bravo, citoyenne! La félicitèrent les généalogistes avec un sourire chaleureux. Vous pouvez regagner votre place. Ce n'était donc pas un oubli, songea Ophélie, tandis qu'Élisabeth descendait les marches de la tribune en se cachant derrière son trophée. Thorn avait été délibérément mis de côté. Une fois encore, elle le chercha des yeux dans la foule du mémorial sans parvenir à le localiser. Nous allons à présent procéder à la distribution des autres grades. Parmi tous les apprentis virtuoses ici présents, rares, hélas, seront les heureux élus. La tradition exige qu'un seul fils de Pollux et un seul filleul d'Hélène soient promus aspirants dans chaque compagnie. Et croyez-nous, le choix n'a pas toujours été aisé. Chaque dossier a été examiné avec la plus extrême attention par les lords de Lux, ainsi que par Lady Hélène et par Sir Pollux, bien évidemment. Veuillez venir chercher votre grade à l'appel de votre nom. Compagnie des scribes, Cornelia et Erasmus. Deux apprentis quittèrent les rangs pour se diriger vers l'estrade. Leurs visages radieux juraient avec les expressions jalouses de leurs camarades qui se forçaient à les applaudir du bout des doigts. Au fur et à mesure que les généalogistes appelaient des apprentis, la tension se répandit à travers tous les muscles d'Ophélie. Voilà. Le moment décisif était enfin arrivé, d'ici quelques instants, soit elle deviendrait aspirante et elle pourrait continuer à s'afficher publiquement aux côtés de Thorn, soit elle redeviendrait une anonyme et toutes les portes de Babel lui resteraient fermées. Elle observa l'un après l'autre les camarades dont elle avait partagé l'intimité ces derniers mois. Zen était tellement anxieuse que son uniforme ne cessait de rétrécir et de s'élargir autour de son corps de poupée orientale. Les devins, quant à eux, continuaient de fixer sombrement leurs bottes. Connaissaient-ils déjà le résultat? Ophélie ne les reverrait jamais, et elle eut presque un pincement au cœur en réalisant qu'aucun d'eux ne lui manquerait. Sa seule vraie pensée fut pour Médiana, qu'elle avait laissée sur ce banc, recroquevillée devant le vitrail de l'Observatoire des Déviations. Malgré tous ses travers, c'était ici, dans leur rang, que la devineresse aurait dû trouver sa place aujourd'hui. « Compagnie des avant-coureurs !» clamèrent enfin les généalogistes. « Octavio et Zen !» À cette annonce, Ophélie ne bougea pas d'un cil. Pourtant, il lui sembla que sa conscience entière s'était brutalement reculée au fond de son corps. Elle se vit de loin en train de tourner la tête vers Zen qui étouffait un cri de surprise. Elle se vit de loin en train de l'applaudir avec le reste de la foule. Elle se vit de loin en train de la suivre des yeux, tandis qu'elle montait timidement sur l'estrade avec Octavio pour récupérer son galon. Zen était une femme sérieuse et compétente. Elle n'avait cessé d'affiner son pouvoir familial au fil des mois. Sa capacité à miniaturiser et à déminiaturiser des documents délicats, sans jamais les endommager, permettrait certainement au mémorial d'améliorer le stockage et la circulation de ces informations. Elle méritait de réussir. Alors, pourquoi Ophélie n'acceptait-elle pas la défaite? Pourquoi le sourire en coin de Lady Septima sur l'estrade la mettait-elle à ce point en colère? Parce que Zen n'était pas une véritable avant-coureuse, parce qu'elle ne possédait pas de réelle curiosité, parce qu'elle n'était animée par aucune soif de vérité, et surtout, surtout, parce qu'elle n'avait pas besoin de ce galon comme Ophélie en avait besoin. « Qu'est-ce que j'en sais ?» se demanda-t-elle aussitôt, choquée par ses propres pensées. Nous ne nous sommes jamais vraiment parlé, elle et moi. Je la connais à peine. L'espace d'un instant, Ophélie s'imagina à la place de Zen sur l'estrade, comme si elles étaient les reflets inversés d'une seule et même personne. Elle fixa alors ses bottes de la même façon que les devins autour d'elle. Elle n'avait plus seulement honte d'avoir échoué. Elle avait honte aussi de s'être laissée contaminer par cet esprit de compétition qui les avait tous poussés à se détester mutuellement. Si l'isoloir l'avait aidée à grandir, ce n'était certainement pas pour devenir cette sorte d'adulte. En un sens, Ophélie était soulagée que Thorne n'eût pas été présent pour la voir ainsi. Elle applaudit Zen, sincèrement cette fois-ci. Tant pis, il existait une infinité d'avenirs possibles, à elle de s'en choisir un autre. « Félicitations au nouveau virtuose !» s'exclamèrent les généalogistes une fois le dernier grade distribué. Quant à tous les autres, vous continuerez peut-être vos vies sans votre prestigieux uniforme, mais il fera toujours partie de vous, à travers votre savoir-faire et votre faire-savoir. La connaissance sert la paix. Toutes les gorges de l'assistance se déployèrent à l'unisson pour chanter l'hymne de Babel, un point sur la poitrine. Commença alors la lente procession des apprentis recalés qui devaient à présent remettre leur insigne aux pieds d'Hélène et de Pollux. Ophélie fut entraînée par ce mouvement de cortège. Elle monta les marches de l'estrade comme tant d'autres avant elle, et parvenue devant l'immense crinoline d'Hélène, elle s'agenouilla pour décrocher les ailes d'argent de ses chevilles. « Merci, » lui dit Ophélie. De tous les esprits de famille qu'elle avait rencontrés jusqu'à ce jour, aucun ne lui avait autant inspiré de respect que cette ogresse au physique cauchemardesque. Elle aurait aimé en obtenir un dernier regard, et tant pis si cela se faisait par le crible d'un appareil optique terriblement tarabiscoté. Mais Hélène demeura de marbre quand les ailes d'Ophélie tintèrent sur le tas d'insignes. Lady Septima fit mine de ne pas la remarquer non plus. L'étincelle entre ses paupières trahissait toutefois de la jubilation à l'état pur. Ophélie ne la remercia pas. En haut de la tribune, le couple de généalogistes s'était lui-même complètement désintéressé de ce qui se passait sur l'estrade. Ils avaient coupé le microphone et s'échangeaient des murmures en collant si près leurs lèvres qu'ils semblaient s'embrasser. Leurs longs cheveux s'entremêlaient aussi étroitement que les doigts de leurs mains. Cette passion qui irradiait de leur corps peint en or transfigurait la maturité de leur visage. Ophélie ne put s'empêcher de les trouver fascinants. Qu'ils fussent ou non les égaux de Dieu, ils portaient déjà en eux une pulsion immortelle. Apprenti Eulalie ? Ophélie se tourna vers Octavio qui l'attendait en bas de l'escalier. Elle avait failli ne pas l'entendre à cause du 14e couplet de l'interminable hymne familial de Babel. Aspirant Octavio, je ne suis plus apprenti. Pardon, c'était un réflexe. Il avait l'air si mal à l'aise qu'Ophélie se dérida un peu. Elle signala le nouveau galon d'argent à sa manche qui le frottait comme une démangeaison désagréable. « Félicitations. Tu le mérites. »« C'est ce qu'on ne cesse pas de me répéter, » murmura Octavio en détournant les yeux. « Quand c'est toi qui le dis, je suis presque tenté de te croire. Peux-tu me suivre, je te prie ?» Sans lui laisser le temps de répondre, il traversa l'atrium en fendant la foule des apprentis. Ophélie avait beau jouer des coudes, elle faillit le perdre. Elle aurait préféré rester le plus en évidence possible pour Thorn, mais la cherchait-il seulement? Elle avait le sentiment qu'Octavio voulait, à l'inverse, échapper au regard surpuissant de sa mère sur l'estrade. Ophélie sourcilla en le voyant monter le transcendium septentrional. Il ignora toutes les mains qui se tendirent vers lui dans l'intention de le complimenter. Il sortit de sa poche une clé qu'elle reconnut aussitôt. La passerelle du secrétarium se déploya dès qu'Octavio l'activa depuis la borne. « Dépêchons-nous, » dit-il entre ses dents. « Sir Henry veut te voir seul. Il y a tellement de monde aujourd'hui, je ne voudrais pas que des visiteurs s'invitent par accident. » Ophélie n'avait pas entendu la fin de sa phrase. Son esprit était resté bloqué à « Sir Henry veut te voir seul. » Elle dut se concentrer pour se raccrocher à la voix d'Octavio qui marchait devant elle le long de la passerelle. « Ma mère n'a rien voulu entendre. Elle n'en démord pas. Ce qui est arrivé à Miss Silence, à Mediana ou sans peur, ne sont rien qu'une série d'accidents. Le témoignage du professeur Wolfe, des divagations. Elle y met une telle mauvaise volonté que j'ai presque cru qu'elle... C'est terrible à dire, qu'elle me cachait les choses. Mais je pense que le pire, c'est qu'elle croit réellement à ses propres affirmations. Elle est si obsédée par la perfection de notre cité qu'elle ne peut tout simplement pas concevoir que la réalité soit différente. Comme avec ma sœur, conclut Octavio dans un souffle. C'est pour cette raison que j'ai décidé de tout raconter à Sir Henry. Je crois que lui, au moins, m'a pris au sérieux. Il m'a passé sa propre clé pour que je t'ouvre le secrétarium après la cérémonie. Je pense qu'il veut entendre ta version des faits. Ophélie ouvrit la porte blindée du globe terrestre. Thorn savait donc tout. Tout, sauf l'essentiel. Bonne chance de ton côté, dit-elle à Octavio. Je suis certaine que tu feras un meilleur usage de tes ailes que tu ne le crois. Après une hésitation pleine de raideur, il serra la main qu'elle lui tendait. « Toi aussi, tu méritais ton galon, Eulalie. Je ne te dis pas adieu. J'ai des raisons de penser que nous serons amenés à nous revoir. » Il pivota sur ses talons dans un brusque tintement d'ailes, puis il repartit d'un pas hâtif qui se propagea sur toute la passerelle. À l'intérieur de la paume d'Ophélie, il y avait à présent la clé du secrétarium, mais aussi un petit papier plié en quatre. Sur le papier, une note était très mal écrite. « Passez me voir à l'occasion, vos mains et vous. Hélène. »